Réponse à un défi spirituel que les pères Carmes déchaussés de Pastrana avaient envoyé à Sainte Thérèse d'Avila, quand elle était prieure à l'incarnation d'Avila. Ce défi, dit le père Antoine de Saint-Joachim, fut probablement envoyé par le père Gratien, qui avait pris l'habit de la réforme à Pastrana, le 25 mars 1572. Mark and Anne, archive.org. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Septembre 1572, monastère de l'Incarnation, Avila. Jésus, Marie. Après avoir lu le cartel, il nous a semblé que nos forces ne nous permettaient pas d'entrer en champ clos pour lutter contre de si vaillants et courageux chevaliers. Ils remporteraient sûrement la victoire et nous laisseraient complètement dépouillés de nos biens. Peut-être même, par là, nous décourageraient-ils au point que nous ne ferions pas même le peu qui est en notre pouvoir? Voilà pourquoi personne n'a signé, et Thérèse de Jésus moins que tout autre. Cela est la pure vérité, sans détour aucun. Nous avons convenu d'essayer nos forces pour voir jusqu'où elles iront, et une fois exercées dans ces tours d'adresse, peut-être qu'avec le secours et l'aide de ceux qui voudront y prendre part, nous pourrons d'ici à quelques jours signer le cartel. Mais ce sera à condition que le mainteneur ne fuit pas le combat en s'enfermant dans les grottes de son monastère, et descende, au contraire, sur le champ de bataille de ce monde où nous sommes. Il pourrait arriver que, se voyant alors toujours obligé de lutter, sans pouvoir déposer les armes, ni cesser de se tenir sur ses gardes, ni avoir un seul moment de repos assuré, ils perdent un peu de sa vaillance. Il y a une grande différence entre ces deux choses, parler et agir, et nous la connaissons quelque peu. Qu'ils sortent de cette retraite délicieuse, lui et ses compagnons, peut-être ne tarderont-ils pas à broncher et à tomber, et nous devrons aussitôt les aider à se relever. C'est une terrible chose que d'être toujours dans le péril, chargé du poids des armes et sans vivre. Mais comme le mainteneur a fait une si grande provision de vivres, qu'il veuille bien s'empresser de nous envoyer ce qu'il nous a promis, car s'il nous prenait par la faim, il y aurait pour lui peu d'honneur et peu de profit. Tous les chevaliers et toutes les filles de la Vierge, qui prieront chaque jour le Seigneur de conserver dans la grâce la sœur Béatrix Ruarès, et lui obtiendront de ne plus parler qu'avec advertance et pour la gloire de Dieu, recevront d'elle 2 années de ce qu'elle a mérité en soignant des malades très pénibles. La sœur Anne de Bergas dit que si les chevaliers et les frères susdits demandent au Seigneur de lui enlever une contradiction, elle se trouve et lui obtient l'humilité. Elle leur donnera tous les mérites qu'elle pourra acquérir par cette vertu, dans le cas où le Seigneur la lui accorderait. La mère sous-prieure annonce que si les susdits demandent au Seigneur de lui enlever sa volonté propre, elle leur donnera ses mérites de 2 années. Elle s'appelle Isabelle de la Croix. La sœur Sébastienne Gomez dit à qui que ce soit des 10 chevaliers qui regardera le crucifix 3 fois par jour, en l'honneur des 3 heures que notre Seigneur a passées sur la croix, et lui obtiendra de vaincre une grande passion dont son âme est tourmentée, qu'elle lui applique le mérite qu'elle gagnera, si le Seigneur lui accorde de remporter cette victoire. La mère Marie de Tamayo donnera à qui que ce soit des 10 chevaliers qui récitera chaque jour un pater et un ave, pour lui obtenir la patience et la soumission dans son infirmité, donnera, dis-je, le tiers des mérites de ses souffrances, le jour même où se fera cette prière. Or, ses souffrances sont excessives, il y a plus d'un an qu'elle ne peut parler. La sœur Anne de la Misère annonce à tous les chevaliers et à toutes les filles de la Vierge, qui, considérant en quelle pauvreté Jésus-Christ a voulu naître et mourir, demanderont pour elle cette pauvreté spirituelle qu'elle a promise à la Divine Majesté, qu'elle leur donnera tout le mérite dont elle s'enrichira devant le Seigneur à pleurer les fautes commises à son service. La sœur Isabelle de Saint-Ange donne à celui des chevaliers et à celle des filles de la Vierge qui tiendra compagnie au Seigneur durant 3 heures, en l'honneur de celle qu'il est demeurée en croix avant de mourir, et lui obtiendra de la Divine Majesté la grâce de garder les 3 vues dans toute leur perfection, une partie du mérite des tortures intérieures qu'elle a éprouvées. La sœur Béatrix Raymond dit qu'elle donne à tout frère et à toute fille de la Vierge une année des mérites qu'elle pourra acquérir, si on prie chaque jour pour lui obtenir l'humilité et l'obéissance. La sœur Marie de la Cueva donne à tout chevalier et à toute fille de Notre-Dame, qui, chaque jour, demandera pour elle la foi, la lumière et la grâce, 3 années de ses mérites, or, je tiens pour certain que c'est beaucoup, car elle endure de grandes peines intérieures. La sœur Marie de Saint-Joseph dit qu'elle donnera une année de ses mérites à qui que ce soit des susdits qui demandera pour elle au Seigneur l'humilité et l'obéissance. La sœur Catherine Alvarez dit qu'elle donne à quiconque demandera au Seigneur la grâce de se connaître elle-même, une année de ce qu'elle a mérité par ses souffrances, or, ses souffrances ont été très grandes. La sœur Éléonore de Contreras dit que si un chevalier ou une sœur demande à Notre-Dame de lui obtenir de son fils la grâce de le servir et de persévérer, elle récitera à ses intentions 3 fois le Salvé tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, on fera bien de prier pour elle tous les jours. La sœur Anne Sanchez dit que, pour tout chevalier et toute fille de la Vierge qui, chaque jour, demandera pour elle au Seigneur de lui donner son amour, elle récitera chaque jour à ses intentions 3 Ave Maria à l'honneur de la pureté de Notre-Dame. La sœur Marie Gutiérrez dit qu'elle donnera une partie de tous ses mérites devant Dieu à quiconque des susdits demandera pour elle le parfait amour de Dieu et la persévérance. La sœur Marie Saint-Bron dit qu'elle cède au susdit une partie du mérite des souffrances qu'elle peut encore endurer, afin que, chaque jour, on demande pour elle une bonne mort. Or, il y a longtemps qu'elle est dans son lit sans pouvoir se remuer, et sa fin est bien proche. La sœur Inès Diaz dit que quiconque des susdits demandera chaque jour pour elle une part aux souffrances dont la Sainte Vierge fut abreuvée au pied de la croix, elle récitera pour lui tous les jours 5 Pater et Ave. La sœur Jeanne de Jésus dit qu'elle donne à tout chevalier et à toute sœur susdite, qui, chaque jour, demandera pour elle au Seigneur la contrition de ses péchés, une partie du mérite des souffrances et humiliations qui lui ont occasionné, et, en vérité, elles sont grandes. La sœur Anne de Torres dit qu'elle donnera au susdit tous ses mérites de la présente année, si, chaque jour, en l'honneur du tourment enduré par notre Seigneur au moment où on lui enfonçait les clous, on demande pour elle la grâce d'arriver à servir Dieu fidèlement et la vertu d'obéissance. La sœur Catherine de Velasco dit que quiconque des susdits demandera au Seigneur, par les douleurs qu'il a endurées quand on l'a cloué à la croix, la grâce de ne le plus offenser et la prospérité de notre ordre, recevra d'elle une partie des mérites qu'elle gagne à se tenir chaque jour au pied de Notre-Dame, et certes, elle y passe de longues heures. La sœur Hiéronyme de la Croix dit que si quelqu'un des susdits demande pour elle l'humilité, la patience et la lumière afin de servir fidèlement le Seigneur, elle récitera chaque jour à son intention 3 credos et lui donnera une année des mérites obtenus par ses souffrances passées, mais il faut prier pour elle tous les jours. Un chevalier d'aventure, probablement Saint Jean de la Croix, qui était confesseur des religieuses du monastère de l'Incarnation, dit que si le maître du champ de combat lui obtient du Seigneur la grâce dont il a besoin pour le servir parfaitement dans tout ce que l'obéissance commandera, il lui donnera tout le mérite qu'il gagnera dans l'année par cette vertu. La sœur Stéphanie Samaniego promet à tout chevalier et à toute fille de la Vierge qui demandera pour elle la grâce de servir fidèlement notre Seigneur et de ne le plus offenser, et lui obtiendra une foi vive et la douceur, de réciter chaque jour à son intention la prière au bon Jésus et de lui donner les mérites d'une année de ses souffrances et tentations passées. La sœur Anne de la Gila donne, dit-elle, le tiers des mérites qu'elle a gagnés dans toute sa vie par ses souffrances et ses maladies, à tout chevalier et à toute fille de la Vierge qui, chaque jour, pendant quelques instants, rappellera à son souvenir les angoisses de cette Vierge, et lui demandera le remède à une grande nécessité de son âme, et la conservation de la vie de notre mère prieure, Thérèse de Jésus, pour l'augmentation de notre ordre. Thérèse de Jésus dit qu'elle donne à tout chevalier de la Vierge, qui fera une fois chaque jour, l'acte bien sincère, de souffrir toute sa vie, un supérieur borné, vicieux, gourmand, et d'un caractère difficile, la moitié de ce qu'elle méritera ce jour-là, par la communion, par ses grandes souffrances, comme par tout le reste, ce qui sera encore bien peu de choses. Il devra considérer comment notre Seigneur fut humble devant ses juges, et obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Ce contrat est pour un mois et demi.